posé sur l'épine du rosier, je suis la goutte qui cache la rosée. Si ça marche pas, rien à foutre, je repars bosser. J'aimerais être ces mots d'amour qui t'empêchent de te jeter du haut de la tour. Y'a les humains, y'a les oiseaux, t'es pas un oiseau. Véridique, les soucis prennent forme et frappent au physique. Je mets que des claques auditives, alors ils comprennent. Hop, on va tout prendre contre une table. Je leur donne pas l'heure, même si j'ai la montre à Flavor Flav. C'est pour les gens qui savent. Je suis un sauna scandinave dans l'Antarctique. Je veux des nouvelles pompes et une pompe à frites. Si ça foire, je refais une tentative. J'ai cliqué la gâchette, j'attends que l'essence arrive. Je les sens hâtifs, mais même devant l'assiette, je suis sans salive. Si tu sais, l'argent ça pousse sur la peau. Y'a du monde qui consomme, mais faut que j'évite Châtelet, y'a souvent des contrôles. On vit dans des tombeaux, alors on se décompose. On a déchiré des billes, on a compté des ronds roses. Je vois ton corps entouré à la craie. Je vois le rap se faire péter l'arrêt. Quand je dis demain, ça veut pas dire après. Y'a que la mort qui peut rester en vie. Le roi est là, baissez le pont-levis. J'ai des séquelles comme celles de Varsovie. De l'anglais, j'ai préféré l'allemand. Vouloir le monde, c'est l'ambition d'un grand. Où va la terre, j'ai dû casser l'écran. Refaire sa vie, c'est se voiler la face. J'ai brisé le voilier, j'ai dû nager la brasse. Dirigé vers le ciel, j'attends le coup de grâce. Je pourrais te planter comme les épines d'une rose. J'entends des rires dans une ambiance morose. Je suis le bonheur juste avant l'overdose. Tout continue même si tu mets sur pause. Aucune confiance, l'amour ça tue les gens. Le vice nous guide dans le vide impunément. La haine ça garde en vie, ça fuit le vent. Le début c'est juste une fin qui suit le temps. Aucune confiance, l'amour ça tue les gens. Le vice nous guide dans le vide impunément. La haine ça garde en vie, ça fuit le vent. Le début c'est juste une fin qui suit le temps. Avec le temps, mon cœur de pierre se change en roro. Ils font face à la flamme, mais le cassé est encore trop tôt. Chaque entaille ne fait que renforcer ma défense. À force, sous mon torse, quelque chose me fait sentir sa présence. Je voulais parler d'amour, mais ce bâtard se guérira bien. C'est soit tu niques, soit tu te fais niquer. Pff, ça sert à rien, la sincérité ça fait mal. Mais c'est nécessaire, ça nécessite pas mal de sacrifices dans ce qu'on essaie de faire. La confiance est une carte avec laquelle il ne faut pas jouer. Elle se retournera toujours contre la parole bafouée. J'ai peu d'espoir, mais j'ai toujours mes principes et mon âme encore prête à traverser les précipices, les montagnes. Je suis jamais content, mon cœur est une fleur épineuse. La vie est belle mais la mort est encore plus délicieuse. Mes poèmes allègent la lourdeur de ma plume. Il faut pas m'en vouloir, mes émotions sont pleines de lacunes. Aucune confiance, l'amour ça tue les gens. Le vice nous guide dans le vide impunément. La haine ça garde en vie, ça fuit le vent. Le début c'est juste une fin qui suit le temps. Aucune confiance, l'amour ça tue les gens. Le vice nous guide dans le vide impunément. La haine ça garde en vie, ça fuit le vent. Le début c'est juste une fin qui suit le temps.